Bien, donc j'aimerais revenir, avant de passer à l'évaluation, et bien de revenir sur 60 ans de développement agricole et un peu leur signification, et voir comment a évolué cette agriculture et quelles sont ses performances économiques. Donc on part des années 50 de systèmes de polyculture-élevage qui sont présents dans toute la France, et dont on peut dire que l'essentiel, c'est qu'ils sont tournés vers l'autofourniture de moyens de production, très peu d'achats d'intrants à l'extérieur, une grande complémentarité entre les systèmes de culture et les systèmes d'élevage, une grande complémentarité entre les cultures dans les rotations, hein, qui permet de se passer, enfin de pallier les problèmes des adventices, de pallier aussi les problèmes de reproduction de la fertilité avec beaucoup de légumineuses dans les rotations, des rotations qui font alterner prairies et cultures, des élevages étroitement associés qui prennent toute leur alimentation dans ces systèmes de culture, donc une grande autonomie, et puis des systèmes essentiellement basés vers l'autoconsommation familiale avec vente de surplus. Donc ce système de polyculture-élevage qui caractérise l'ensemble des régions françaises va connaître de profondes transformations par la suite, une véritable révolution agricole. Et cette révolution agricole, en fait, je crois que ce qui est important de dire, et c'est important par rapport à la rupture qu'on aimerait voir introduire aujourd'hui, c'est qu'elle s'inscrit dans le paradigme technico-économique de l'époque, à savoir des solutions techniques qui s'inspirent du monde industriel. C'est l'industrie du tracteur, c'est l'industrie de la chimie, et puis on verra progressivement, c'est l'électronique et la biotechnique. Donc les éléments principaux sont les moteurs, motorisation, motomécanisation, la chimisation. Et ce qui est important du point de vue des changements qu'on aimerait voir aujourd'hui, c'est que la manière dont on voit la biologie, c'est qu'il faut qu'elle s'adapte en fait à l'ensemble de ces nouveaux moyens de production qui vont être introduits. Il faut que les semences, il faut que les variétés qu'on cultive supportent les doses très élevées d'engrais qu'on va leur asséner pour augmenter les rendements. Il faut qu'elles soient adaptées aux machines qui vont servir par exemple à récolter. Il faut que les animaux supportent aussi une alimentation beaucoup plus riche qui doit leur permettre d'exprimer un potentiel de production très important. Il faut qu'ils supportent les machines. Donc on tord en quelque sorte, je dirais, tout ce matériel biologique pour l'adapter à tous ces nouveaux moyens de production qu'on va introduire. Et même chose pour le milieu, qu'on considère comme un support de production. D'ailleurs, quand j'entends mes collègues, souvent on parle d'impact sur l'environnement et très rarement de produire avec l'environnement. Donc ce milieu est un support, il va falloir arracher les haies pour pouvoir faire passer les machines, il va falloir drainer pour qu'elles puissent récolter l'ensilage en automne, il va falloir qu'on irrigue pour sécuriser les rendements de ces variétés à très haut potentiel qu'on va introduire dans les systèmes. Donc je crois que ce paradigme, il est vraiment au cœur du développement agricole. Et si on regarde par exemple dans deux grands types de systèmes ce que ça donne, eh bien la priorité est à l'augmentation du volume produit par actif. Et ça reste encore d'actualité, hein, je crois que ça c'est extrêmement important. Si on regarde les systèmes de grandes cultures, on se rend compte qu'il y a des transformations systémiques qui vont se mettre en place, qui toutes convergent vers l'augmentation du volume produit par actif, vers l'augmentation de la productivité physique du travail. Alors ça passe par l'augmentation de la superficie par actif d'abord, donc qu'un actif puisse prendre en charge plus de surface grâce à des équipements qui sont toujours de plus en plus performants, et tous les 10 ans il y a des équipements plus performants qui arrivent sur le marché, qui permettent sans cesse de repousser cette surface par actif, mais ça repose aussi sur des pratiques techniques différentes, une simplification des itinéraires techniques avec la suppression du labour, remplacé pour la destruction des mauvaises herbes par des herbicides, donc recours à des intrants de façon importante qui participent à l'augmentation de la surface par actif. C'est aussi la spécialisation et la simplification, le raccourcissement des rotations. Grâce aux herbicides, grâce aux produits phytosanitaires, on peut cultiver plusieurs fois des blé sur blé dans le bassin parisien. On peut se tourner vers les cultures les plus rentables, enfin celles qui, par exemple, colza progressivement à partir de la fin des années 70, blé. Des rotations qui ne suivent plus une logique agronomique, mais qui suivent plus une logique économique, puisqu'on peut s'affranchir de tout ça grâce au recours à ces produits chimiques. Augmentation du rendement par hectare aussi, grâce aux semences, mais grâce aussi aux engrais, et puis à tous les produits qui vont permettre d'augmenter la densité de semis par unité de surface. Irrigation plus drainage. Donc ce qu'on voit, c'est que l'accroissement de la productivité du travail, de la productivité physique, elle repose sur un capital fixe de plus en plus important par actif et sur un recours important aussi aux consommations intermédiaires et en particulier aux herbicides qui est vraiment inhérent à cette recherche de l'augmentation de la production physique du travail. Ce que je dirais, c'est que ce processus qui est en cours depuis les années 50, il n'est pas prêt de s'arrêter. Je travaille beaucoup sur les États-Unis. Les États-Unis ont une longueur d'avance en matière d'évolution de la productivité physique du travail. Et si on regarde ce qui se passe outre-Atlantique, on se dit que des réserves d'accroissement de productivité physique du travail, il y en a encore énormément. Les équipements, il y en a des beaucoup plus performants sur le marché. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est du 560 chevaux, 3x4 roues motrices. Des tracteurs, des semoirs de 48 rangs en maïs, on sème 40 hectares à l'heure avec ces équipements. Ce sont aussi tout ce qui est équipement d'agriculture de précision. Les tracteurs peuvent évoluer techniquement tout seuls dans les parcelles, ce qui permet d'accroître la surface par actif. Et on n'est qu'au début de cette révolution informatique, qui permet en plus d'avoir une énorme précision du travail sur des surfaces qui sont énormes. Aujourd'hui, dans le Corn Belt, un actif peut travailler tout seul 600-800 hectares. On en est loin aujourd'hui en France, mais tout ça, ça existe et on sait que c'est possible. Les OGM participent aussi de cette recherche d'augmentation de la productivité physique du travail en permettant la simplification des opérations. En un seul passage, on détruit les adventices, on sème, on épand les engrais et on fait un passage d'herbicide un mois après et la plante est en place. Donc ces OGM, on ne le dit pas suffisamment souvent, ça participe aussi de ce processus de toujours repousser la surface maximum par actif et d'accroître la productivité physique du travail. Alors en France, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de nouvelles formes d'organisation de la production qui commencent à permettre l'utilisation de ces machines plus performantes. Les structures évoluent pas assez vite pour que toutes ces machines se développent. Alors il y a des grandes entreprises de travaux agricoles qui se montent, qui travaillent sur 1000, 2000 hectares. Il y a des rotations collectives qui se mettent en place avec du matériel collectif. Donc on commence à voir ces équipements performants arriver, mais on est encore loin du compte par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. Donc on sait que ça peut encore continuer beaucoup plus loin dans ce sens-là et s'accompagner d'une diminution du nombre d'agriculteurs. Si on regarde ce qui se passe en élevage bovin laitier, par exemple, même chose, même logique. Accroissement de la productivité physique, c'est-à-dire accroissement de la production laitière par actif. Et tout concourt dans le même sens. Des bâtiments de plus en plus performants, des équipements de traite de plus en plus performants, qui permettent à un actif de s'occuper de plus en plus de vaches. Pour rentabiliser ces investissements, on va chercher à augmenter la production laitière par vache et augmenter la production laitière par hectare. Ça passe par la sélection génétique, bien sûr, mais ça passe aussi par des fourrages de plus en plus denses, une alimentation énergétiquement de plus en plus dense et le recours au concentré. Et en gros, si on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe aux États-Unis, et on voit que dans certaines régions bretonnes ou même de l'ouest de la France, on va vers ça, ce sont des systèmes où les vaches ne sortent quasiment plus, juste pour gambader, et où on est dépendant de plus en plus du maïs avec des rations qui s'homogénéisent tout au long de l'année en silage de maïs et puis recours à des tourteaux de soja pour compléter l'alimentation. Alors ça, c'est aussi des coûts très élevés en consommation intermédiaire. La culture de maïs, c'est très coûteux. La complémentation protéique aussi. Donc, même raisonnement, l'accroissement de la productivité physique du travail repose sur un capital de plus en plus important par actif qui commence à poser problème pour l'installation des jeunes et un recours de plus en plus important en consommation intermédiaire. Et je pourrais passer toutes les productions en revue. C'est exactement la même logique avec la logique d'accroissement de la productivité physique du travail qui prévaut. Et là aussi, pour le lait, même chose, on sait que ça peut encore aller très loin. Les robots de traite, ça commence à se développer. Les robots de traite font que la traite n'est plus le facteur limitant le nombre de vaches laitières par actif. Aujourd'hui, c'est les chaleurs. Et là aussi, l'informatique prend le relais. Donc, des capteurs qui peuvent être au niveau des robots de traite pour détecter les chaleurs. Et en gros, on entend des éleveurs dire que l'élevage laitier, ça leur prend plus beaucoup de temps parce que le robot de traite, il y a une automatisation de plus en plus grande. Et ça s'accompagne d'un accroissement des rendements laitiers, 10 000, 11 000. Moi, mes collègues zootechniciens me disent aujourd'hui qu'il y a des vaches qui peuvent produire jusqu'à 35 000 litres de lait. Donc, voilà, c'est tout ça, on sait que ça existe, c'est tout à fait possible. Et du coup, où va-t-on? Et peut-être on peut essayer de tirer les conséquences économiques de ce développement agricole. Donc pour faire ça, je m'appuie sur les comptes de la nation, la branche agriculture, pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, quelques courbes. Donc là, l'évolution de la production et des consommations intermédiaires en volume de l'ensemble de la branche agriculture France en indice, 1959 indice 100. Voilà l'évolution du produit brut. On voit que les consommations intermédiaires augmentent un petit peu plus vite que le produit brut, avec certaines, celles qui sont caractéristiques de l'augmentation de la productivité physique du travail, qui ont flambé. On est passé de l'indice 100 à l'indice 600, 800, 1000. Et on voit que ces principaux produits que j'ai signalés comme étant comme participant de l'augmentation de la productivité physique du travail, eh bien, ne diminuent pas en consommation, en volume. Ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que ces transformations spectaculaires de l'agriculture française, elles se sont traduites par une augmentation de la productivité physique du travail qui est plus rapide dans le secteur agricole que dans l'ensemble des autres secteurs de l'économie. On présente toujours l'agriculture comme un secteur en retard. Et bien, si on regarde, on se rend compte, et puis je pourrais vous présenter les mêmes genres de chiffres pour les États-Unis, c'est que le secteur agricole, c'est plus 4,4% par an en moyenne de valeur ajoutée brute en volume par actif. C'est nettement supérieur à l'ensemble de l'économie qui, de 1978 à aujourd'hui, a connu un accroissement à peu près de 70%. Pour l'agriculture, on est à pratiquement une multiplication par 4. Donc c'est le secteur qui connaît l'accroissement de la productivité physique du travail le plus rapide. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, je pense qu'on peut l'expliquer par deux choses. Premièrement, une politique agricole qui s'est employée, parce qu'aujourd'hui ça évolue quand même depuis ces dernières années, mais a apporté une garantie des prix et une sécurité des investissements. Et une sécurité des investissements à des exploitations familiales qui investissent avant tout pour assurer la rémunération de leur travail et non pas du capital investi. Dans le revenu agricole, il y a confusion de la rémunération du capital, de la rémunération du foncier, de la rémunération du travail. Et on travaille, on investit pour maintenir son outil de production, pour installer ses enfants. Et quand on a une politique agricole qui sécurise les prix, qui sécurise ses investissements, eh bien ces exploitants individuels, ils foncent, ils investissent. Et ils investissent aussi dans le sens dans lequel on les oriente, dans lequel les oriente le Conseil agricole. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, cette augmentation spectaculaire de la productivité physique du travail, qui n'est pas spécifique à la France, puisqu'on a les mêmes modèles dans l'Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, ça se traduit par une baisse spectaculaire du prix des produits agricoles. En monnaie constante, si on regarde, eh bien, on voit que depuis 1960, tout ça, c'est toujours les comptes de l'INSEE, le blé, le maïs, le colza, on est sur une pente division par 6 en l'espace de 60 ans du prix en monnaie constante. Pour le porc et la volaille, une division par 4. Pour la viande bovine et pour le lait, une division par 2. Avec des systèmes de production qui sont très gourmands en capital, très gourmands en consommation intermédiaire, dont le prix, lui, évolue d'une façon beaucoup moins favorable, parce que dans ces secteurs, l'évolution de la productivité du travail est moins rapide que dans le secteur agricole. Donc ça nous donne des consommations intermédiaires dont on voit que globalement sur l'ensemble, là c'est depuis 1970, j'ai pris ce que me donne l'INSEE, elles sont globalement stables en prix. Les machines et biens d'équipement, eux, augmentent en monnaie constante d'environ 20%, tandis que les produits animaux comme les produits végétaux, eh bien, voient leur prix diminuer singulièrement, moins 60%. Et on voit que ce ne sont pas les augmentations, les prix élevés de la dernière période qui changent radicalement la donne. Donc au niveau des performances économiques du secteur agricole, qu'est-ce que ça donne ? Je prends donc les résultats de l'ensemble de la branche agricole en monnaie constante, avec ici indice 100 pour 1970. On constate que jusqu'en 1970, tout augmente en monnaie constante, que ce soit la production, la valeur ajoutée, le revenu net d'entreprise agricole. En revanche, depuis 1970, où tout ce processus s'est accéléré, eh bien on constate que la production en valeur ne fait que diminuer, et là encore, ce ne sont pas les prix élevés de ces dernières années qui changent tellement la donne. Les consommations intermédiaires, grosso modo, sont restées stables, tandis que les consommations de capital fixe ne cessent d'augmenter. Le résultat, eh bien, il est clair et net. Le secteur agricole ne cesse de perdre de la valeur ajoutée. Et cette perte de valeur ajoutée depuis 1970, elle est considérable, puisqu'on est passé de l'indice 100 en 1970 à l'indice 40 aujourd'hui, et en 2010, on était même à l'indice 20. Donc perte de 60% de la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, à quoi sert tout ce développement agricole aussi brillant, avec des équipements toujours plus performants, si ça revient en fait à une accélération de la baisse des prix agricoles et une perte de valeur ajoutée de ce secteur. Le résultat, c'est que, avec un revenu de la branche qui ne cesse de diminuer, ici en vert, le revenu par actif ne se maintient que grâce à l'érosion des actifs. Donc ça veut dire que pour que le revenu des exploitants agricoles se maintienne, il faut que le nombre d'actifs continue à disparaître. Et ce qu'on sait, c'est que des réserves de productivité physique du travail, il y en a plein. On est très loin d'avoir atteint le maximum par actif. Quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique, on en a un exemple. Et puis on est au début, rien qu'au début, d'une révolution informatique qui, avec l'automatisation, fait que, eh bien, moi je dirais, pour simplifier, quand je vais aux États-Unis, ce que ça me donne quand même l'impression, c'est qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de travail dans le secteur agricole, avec les modèles de production dont on est en train de parler. Donc ça pose réellement un vrai problème, d'autant plus que donc on a un développement agricole qui est destructeur de valeur ajoutée, destructeur d'emplois, qui crée des inégalités de développement parce que ce modèle n'est pas accessible à toutes les exploitations et n'est pas accessible non plus dans toutes les régions. Il y a une perte du lien avec la société parce qu'on est dans des systèmes qui sont quand même globalement assez polluants. On accuse les agriculteurs qui finalement, pour leur propre survie, ils n'ont en apparence comme seule solution de poursuivre ce mouvement en boule de neige. Et je dirais que ces pratiques, de plus, ont un impact négatif sur l'environnement, sachant que ce milieu est toujours considéré comme un support de production. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce développement agricole, il n'a rien de durable. Et il est très brillant, c'est des équipements extrêmement performants, des quantités de recherche incroyables pour gagner quelques points d'indice de consommation sur le cochon, quelques kilos de lait supplémentaires, mais au prix d'une baisse de la valeur ajoutée globale du secteur agricole qui pose question et qui est vraiment liée à ce différentiel de prix. Et je pense que là, on est face à un processus où on a vraiment des exploitations familiales qui investissent parce qu'elles ont la sécurité de leurs investissements et qui, in fine, si on fait le raccourci du raisonnement, par ces investissements très importants qu'elles font pour la rémunération de leur travail, eh bien, contribuent à détruire de l'emploi familial et à réduire toujours le nombre d'exploitations agricoles qui participent au processus de production. Alors, est-ce que cette évolution est inéluctable ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'envisager le développement agricole en privilégiant non pas la productivité physique du travail, le volume produit par actif, et ça on sait qu'il y a des perspectives, mais en s'intéressant finalement à la valeur ajoutée, c'est-à-dire à la quantité de richesse créée par actif, et en privilégiant la recherche de la productivité économique du travail. Et là, l'agriculture a quand même une chance énorme qui est de travailler avec du matériel biologique. Avec du matériel biologique dont on peut tirer parti avec tout un tas de choses. L'agroécologie est vraiment basée là-dessus, c'est-à-dire privilégier les processus biologiques plutôt que le recours à des ressources d'origine fossile, que ce soit les engrais ou bien des produits chimiques tels que herbicides, produits phytosanitaires, etc. En privilégiant quoi ? Eh bien, en privilégiant une approche systémique, c'est-à-dire de raisonner, revenir à une logique agronomique des rotations, revenir privilégier des associations entre légumineuses et graminées, privilégier la diversité variétale au sein des parcelles. Pourquoi avoir des parcelles de blé où aucune tête ne dépasse, où on a des semences, on utilise des semences qui sont rigoureusement identiques et qui présentent les mêmes sensibilités aux maladies ? Pourquoi ne pas avoir une certaine diversité génétique variétale au niveau des parcelles ? Pourquoi ne pas pratiquer les associations? L'agroécologie s'intéresse à comment incorporer de la manière la plus systémique possible les processus biologiques pour essayer de réduire au maximum les consommations intermédiaires et donc de privilégier une diminution des coûts plutôt et de renoncer éventuellement à un peu de produits bruts, quitte à privilégier la production de valeur ajoutée. Alors je prendrai l'exemple, et ça c'est grâce aux travaux de la thèse de Nadège Garambois, l'exemple des systèmes bovins laitiers herbagés qui donc sont basés, comme leur nom l'indique, sur le pâturage de prairies temporaires d'association entre graminées et légumineuses. Donc on privilégie à la fois l'association pour se passer d'engrais, mais aussi le pâturage pour se passer de stock fourrager. Donc pas d'engrais de synthèse, peu de stock, des prairies de durée relativement longue, une technique d'exploitation de l'herbe qui permet d'avoir de l'herbe pendant pendant toute l'année, pas de complément azoté puisque le pâturage apporte une alimentation équilibrée. Et si on regarde les résultats économiques, eh bien, on se rend compte de quoi ? Eh bien, là, vous avez donc produit brut et consommation intermédiaire dans les teintes bleues d'une exploitation, enfin système de production, je dirais pour faire vite conventionnel, hein, qui fonctionne suivant le système en silage de maïs pendant toute l'année et large recours au tourteau de soja. Donc là, c'est sur toute la période pendant laquelle les exploitations sont passées en système herbagé, ici en vert. Vous voyez que l'évolution du produit brut est à peu près comparable, mais il y a une évolution radicalement différente au niveau des consommations intermédiaires. C'est-à-dire que le système herbagé arrive à diminuer de façon très importante les consommations intermédiaires, bien plus rapidement que le produit brut. Et du coup, au niveau de la valeur ajoutée, ça donne une valeur ajoutée qui évolue de façon nettement plus favorable que celle des systèmes conventionnels. Alors si on regarde ce que ça donne, vous avez ici les systèmes herbagés, vous voyez que le produit brut par actif est nettement inférieur à ceux des autres systèmes laitiers. En revanche, ces systèmes herbagés conservent la moitié de leur produit brut au niveau de la valeur ajoutée, contre 20 à 30% pour les restes, pour les autres. Et donc, avec un produit brut nettement inférieur, ils arrivent à un revenu agricole qui est comparable, en se basant sur diminuer les coûts au maximum pour essayer de garder le plus possible de valeur ajoutée, mais sans privilégier l'augmentation de la productivité physique du travail. Donc ça veut dire qu'on est dans un changement de paradigme. Ce sont des systèmes qui vont reposer davantage sur des processus biologiques. Et cette démarche systémique, elle privilégie la création de valeur ajoutée. J'ajoute qu'il n'y a pas de différentiel des prix. C'est-à-dire que ces exploitations livrent, comme les autres, dans les mêmes laiteries et sont payées au même prix. Ce n'est pas une différence de prix, ça je crois que c'est très important de le dire, contrairement à ce qui est dit dans le rapport Marion Guillou, où on lit que ces systèmes sont plus coûteux et que donc il faut qu'ils trouvent des débouchés différents. Non, c'est le même débouché, c'est privilégier la diminution des coûts plutôt que l'augmentation du produit brut. Ce sont des systèmes qui sont économiquement intéressants pour les éleveurs, et je pense que c'est très important de le dire, parce qu'il s'agit pas, on n'est pas en train de parler de changement de mentalité et d'ouverture à d'autres systèmes. Les éleveurs peuvent avoir économiquement intérêt à le faire. Et donc la question qui se pose, et je pense que ça va être l'objet du débat, c'est que faire pour essayer de promouvoir le développement de ces systèmes de production. Et on verra qu'il y a des freins qui peuvent être à plusieurs niveaux. Hein. On s'inscrit dans des écosystèmes particuliers, et donc ça ne peut pas être un paquet technique qui vient d'en haut, mais ce sont bien des systèmes qui sont précisément adaptés à chacun des écosystèmes dans lesquels on se trouve. Ça nécessite des savoir-faire et des connaissances spécifiques qui sont encore peu diffusées et peu enseignées dans les lycées agricoles. Donc il faut peut-être réfléchir à la formation des agriculteurs. Et peut-être que les évolutions de la politique agricole commune vont encourager ce genre de système. Je dirais, ne serait-ce que le découpage des aides, hein, et en particulier le fait qu'on puisse avoir les DPU maïs, qu'on produise du maïs ou pas, pourrait être un encouragement au développement de ces systèmes. Et peut-être que la prochaine PAC le sera aussi. Je vous remercie.